Chapitre 13. Monsieur de Rieux était trop honnête homme, il avait trop véritablement souffert du trouble de son ménage et de l'égarement de sa vie, pour ne pas envisager avec une satisfaction attendrie les jours meilleurs que le ton général de cette correspondance était de nature à lui faire entrevoir. Il était fort loin d'admettre à la vérité les théories de Madame de Loris, qui lui paraissaient fortement empreintes de la partialité de son sexe. Mais après tout, quelle qu'eût été l'origine des torts de sa femme, il lui suffisait qu'elle les reconnût et qu'elle se montrât disposée à les réparer. Avec la générosité de son naturel, il fit bon marché de la question d'amour-propre, et sans se préoccuper d'établir une balance plus ou moins équitable des responsabilités, il résolut d'accepter franchement et à plein cœur le bonheur qui semblait de nouveau s'offrir à lui. Il vit dans l'installation de sa femme au château de Fresnes, pour le moment de son retour, une intention délicate. C'était là qu'il s'était vu pour la première fois, qu'il s'était aimé, qu'il s'était marié. C'était là qu'ils devaient se retrouver pour y recommencer leur vie commune, et y reprendre, pour ainsi dire, leur union à sa source. Il y avait dans cette pensée quelque chose d'aimable et de touchant, et M. de Rieux se piqua d'y répondre en témoignant de son côté l'empressement et la bonne grâce d'un jeune marié. Il voulut se donner le plaisir de surprendre sa femme et devança de 2 ou 3 jours la date pour laquelle il lui avait annoncé son arrivée. Il passa une demi-journée à Paris dans son hôtel, dont il admira le bon ordre. Vers 7 heures du soir, il repartait pour Fresnes et descendait de wagon 2 heures plus tard à la station la plus voisine du château. Ne trouvant pas de voiture pour l'y transporter, il s'y rendit gaiement de son pied léger, laissant ses bagages à la gare. C'était une belle soirée de printemps, doucement éclairée par un faible croissant de lune et des milliers d'étoiles. Lionel s'avançait avec émotion sur cette route, tant de fois parcourue au temps de ses amours avec sa jeune fiancée. Il y recueillait à chaque pas quelques chers souvenirs, redevenus des espérances. Il pénétra dans le parc avec mystère par une des avenues du bois, et il aperçut bientôt à travers la verdure nouvelle les lumières du château. Son cœur battait avec violence quand il s'approcha des fenêtres du salon de famille. Il eut la curiosité d'y jeter un regard avant d'y entrer. Son rêve était de trouver sa femme seule pour cette première entrevue. Mais Madame de Rieux n'était pas seule, ce qui n'avait rien d'extraordinaire ni de choquant puisqu'elle ne l'attendait pas. Elle était du reste en très honnête et modeste compagnie. Elle avait autour d'elle sa mère, ses 2 enfants, sa cousine de Loris, M. de Quéverne, et c'était tout. À l'une des extrémités du vaste salon, Mme Fitzgerald et Mme de Loris jouaient sur le piano une sonate à 4 mains. Près de la cheminée, devant une table, Mme de Rieux s'était gracieusement agenouillée sur une chaise basse, une main posée sur la tête blonde de son fils, tandis que sa fille était assise à 2 pas sur les genoux de M. de Quéverne. Ils examinaient un grand ouvrage à gravure étalé sous la lampe, et sur lequel M. de Quéverne paraissait leur donner des explications très intéressantes, si l'on en jugeait par la mine profondément attentive des 2 enfants et de leur mère. De temps à autre, ses jolies têtes penchées se soulevaient pour adresser à l'explicateur une question ou un sourire. Ce spectacle ne présentait aucun caractère de dissipation mondaine, et cependant il fit éprouver à M. de Rieux une vive sensation de déplaisir. Il y avait dans cette petite réunion, et surtout dans le groupe où Mme de Rieux figurait avec M. de Quéverne, un air d'intimité heureuse et paisible qu'il semblait véritablement maladroit de troubler par une surprise, si agréable qu'elle pût être. M. de Rieux se retira de la fenêtre avec un geste d'humeur. Puis, après quelques pas, il y revint. À mesure qu'il contemplait la scène de famille qui s'offrait à ses yeux, un sentiment plus sérieux et plus profond qu'une simple contrariété s'accusait sur ses traits, et son front se contracta presque douloureusement quand il vit ses 2 enfants, pour qui l'heure de la retraite avait sonné, sauter au cou de M. de Quéverne et le couvrir de caresses. On apporta le thé au même instant. Lionel présuma que Madame de Loris et son frère ne tarderaient pas à prendre congé, et il se détermina à attendre leur départ pour se présenter devant sa femme. Il s'engagea sous le couvert de l'allée la plus proche et y promena ses réflexions. Au bout de quelques minutes, il entendit ouvrir la porte-fenêtre qui donnait sur le parc. Il en vit sortir d'abord Madame de Loris, puis sa femme, qui s'appuyait sur le bras de Monsieur de Quéverne. À la direction de leur marche, il comprit que Madame de Loris et son frère, séduits par la beauté de la nuit, retournaient à pied au pavillon et que Madame de Rias, suivant toute apparence, les accompagnait jusqu'à la grille du parc. Il les laissa s'éloigner et s'achemina ensuite tout doucement sur leurs traces, afin de se trouver sur le passage de sa femme quand elle rentrerait au château. Le hasard lui ménageait enfin cette première entrevue en tête-à-tête qu'il avait si vivement souhaitée, mais qui déjà, il ne savait trop pourquoi, ne lui promettait plus qu'un plaisir troublé. Il aperçut de loin Madame de Rias avant qu'elle ne pût le voir elle-même. Il était à demi caché dans la frange d'ombre que la futaie projetait sur le bord de l'avenue, tandis que sa femme marchait dans la pleine lumière du chemin. Elle semblait d'ailleurs profondément absorbée dans ses pensées. Elle s'avançait à pas lents, les bras croisés et la tête abaissée sur le sein. À quelque distance de la place où s'était arrêté Lionel, il y avait un banc rustique. Elle s'y assit tout à coup comme accablée. Elle mit sa tête dans ses deux mains et il l'entendit pleurer amèrement. En face de cette scène étrange, la première et subite impression de M. de Rias fut une douleur aiguë et glaciale qui le pénétra jusqu'au moelle. Il n'était pas aimé, et l'appréhension de son retour était la cause de ses larmes mystérieuses. Telle fut l'idée poignante qui le traversa. Mais ce ne fut qu'un éclair qui s'obscurcit aussitôt. Il avait apporté une provision de confiance qui ne pouvait se dissiper ainsi en une minute. Depuis 6 mois, on l'avait entretenu dans la pensée que sa femme lui était revenue tout entière, qu'elle ne songeait qu'à lui plaire, qu'elle consacrait à cet unique objet tous ses sacrifices, toutes ses abnégations, toutes les réformes de sa vie. Elle lui avait elle-même confirmé ses tendres dispositions dans son billet de la dernière heure. Il se persuada donc que la défiance qui l'avait soudainement envahi était un mouvement d'une injustice et d'une ingratitude coupable. Madame de Rias avait, comme toutes les femmes, les larmes faciles. Elle cédait sans doute en ce moment à quelque accès de mélancolie nerveuse. Peut-être donnait-elle un dernier regret au plaisir qu'elle lui sacrifiait, et ce regret même attestait tout le mérite de son dévouement. Pour échapper à de nouvelles chimères, il se dégagea brusquement de l'ombre des bois, et se dirigea vers le banc rustique en suivant la partie la plus éclairée de l'avenue. Au bruit de ses pas, Madame de Rias s'était levée tout à coup. Il lui adressa de la main un signe amical et lui parla de loin sur un ton de gaieté. « Vous allez me trouver bien enfant, j'ai voulu vous surprendre. » Elle s'essuya vivement les yeux et vint au-devant de lui. Il lui saisit les deux mains et sentant qu'elle grelottait, « Mon Dieu, ma chère, reprit-il, que je suis gauche, je vous ai fait peur. »« Un peu, » murmura-t-elle, « j'étais si loin de m'attendre. Voyez, je suis toute tremblante. Vous ne m'embrassez pas, Marie. Pardon. » Et elle lui tendit son front. Sur cette froide cérémonie, un peu différente des effusions que M. de Rias avait préméditées, ils reprirent le chemin du château en marchant côte à côte. Après une pause de silence contraint, elle se mit subitement à l'interroger avec une sorte d'animation fébrile sur les incidents de son voyage, sur la traversée, sur les heures des trains et des paquebots. Puis elle passa du même ton à ses enfants dont elle lui vanta les progrès et dont elle lui cita les traits d'esprit. Ils étaient couchés depuis un moment, mais pas encore endormis, elle l'espérait. Aussitôt qu'ils rentrèrent au château, elle l'entraîna dans leur chambre. Les enfants dormaient de tout leur cœur et Lionel ne voulut pas les éveiller. Il se contenta de jeter sur leur doux visage un regard ému et triste. On redescendit alors au salon, où Madame Fitzgerald, qu'on avait prévenue à la hâte, arriva bientôt en cornette de nuit. Elle poussa quelques cris de surprise, embrassa son gendre, s'excusa sur l'inconvenance de sa tenue et se retira discrètement. Resté seul avec sa femme, M. de Rias ne tarda pas à s'apercevoir que, tout en répondant à ses questions et à ses affectueux compliments avec une apparence d'enjouement, elle était singulièrement distraite et préoccupée. Sa gaieté, visiblement forcée, s'éteignaient dans des silences de glace. À mesure que la soirée s'avançait, il surprenait dans ses yeux une expression plus marquée de malaise, d'inquiétude et même d'angoisse. De plus en plus oppressé et glacé lui-même, il rompit l'entretien. « Ma chambre est préparée, n'est-ce pas, ma chère ? » dit-il en se levant tout à coup. « Oui, oh oui, certainement. » Puis elle soupira comme malgré elle. Elle se tenait debout devant lui, souriante et embarrassée. Il la regarda dans les yeux et elle rougit. « Bonsoir, » murmura-t-il. Il lui serra faiblement la main et quitta le salon. Malgré la fatigue d'une journée de voyage et d'émotion, M. de Ries n'essaya pas même de prendre du repos. Il se promena de longues heures à travers sa chambre, dans un état d'esprit digne de pitié. Le désenchantement le plus complet et le plus amer succédait aux illusions dont son cœur et son imagination s'étaient depuis si longtemps bercés. L'espèce d'impression foudroyante qu'il avait frappée dès le premier instant devant sa femme en pleurs était décidément, il n'en doutait plus, une impression juste et vraie. Son retour était pour elle une tristesse, un désespoir, une terreur. Dès ce moment, la vérité se dégageait à ses yeux avec une évidence impitoyable et l'inondait de sa cruelle lumière. Il repassait dans sa pensée fiévreuse tous les incidents, tous les détails de cette pénible soirée. Il en rapprochait différents traits de la correspondance de Madame de Loris. Il enchaînait tous ses témoignages et il les interprétait avec une effrayante lucidité. Il ne croyait pas que Madame de Loris l'eût abusé et mystifié à plaisir, et que la conversion de sa femme, la transformation de ses goûts et de ses habitudes, fussent de mensongères inventions. Non, Madame de Loris ne l'avait pas trompé. Mais à son insu, elle n'avait dit qu'une partie de la vérité. Il était vrai en effet que Madame de Rias s'était corrigée de sa folie mondaine, qu'elle avait donné à sa vie un tour plus sérieux, plus intelligent et plus digne, qu'elle s'était appliquée ardemment à élever son cœur et son esprit. Il était vrai encore qu'elle avait fait tout cela pour obéir et pour plaire à l'homme qu'elle aimait. Mais l'homme qu'elle aimait, ce n'était pas lui, c'était M. de Quéverne. Voilà ce que Madame de Loris ne lui avait pas dit, et ce que probablement elle ignorait. Il connaissait son honnêteté, sa candeur, sa confiante idolâtrie pour son frère. Elle l'avait associé à son œuvre sans se douter de la part équivoque qu'il pouvait être tenté d'y prendre. Peut-être, au milieu des agitations de cette nuit douloureuse, M. de Rias ne s'épargna-t-il pas à lui-même les reproches secrets et les tardives leçons, car enfin ce que cet homme avait entrepris, ce qu'il avait obtenu, il eût pu l'entreprendre et l'obtenir comme lui. Comme lui, il avait été aimé. Il avait eu toute puissance sur ce cœur qui se révélait si capable de dévouement et de sacrifice. Mais il avait négligé d'user de son pouvoir, et maintenant un autre l'usurpait. Ce n'était pas la première fois que M. de Rias, dans le cours de sa vie, rencontrait un de ces sages prêcheurs qui se font les mentors des mondaines blasées et qui les sauvent le plus habituellement pour mieux les perdre. Il savait que la plupart de ces austères conseillers sont de dangereux hypocrites et que ceux qui ne sont pas des hypocrites sont souvent les plus dangereux. À laquelle de ces deux catégories appartenait M. de Quéverne ? C'est ce qui importait assez peu à Lionel. Ce qui lui apparaissait avec une pleine certitude, c'est que M. de Quéverne avait pris sa place à son foyer, dans le cœur de sa femme et jusque dans l'âme de ses enfants. C'était assez pour qu'il lui jurât une haine mortelle et pour qu'il se promît de lui faire expier tout ce qui lui faisait souffrir. Il entrevit dans cette pensée une espérance, une solution, et put enfin trouver aux premières clartés du jour quelques heures de sommeil.